Le titre de cette conférence, le troisième œil et les autres sens cachés. Le troisième œil et les autres sens cachés. Je t'ai parlé dans une conférence précédente, il n'y a pas longtemps, des sens physiques, le toucher, l'odorat, etc. La parole. Les sens physiques. Le toucher, l'odorat, le goûter, l'ouïe, la vue. Bon. Voilà. Il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres sens physiques qu'on n'a pas développés? Ou est-ce que ça, tous les autres sens sont dans le plan c'est astral? C'est pas des sens physiques. Okay. La pensée, c'est un sens astral? Est-ce que c'est un sens? On a des sens vitaux. La mienne n'a pas de sens. Moi, je dis rien. Quand quelqu'un s'entend ça, l'écoute, en tant que fouilleur, c'est trop beau. J'ai rien de mieux. Il y a des sens astraux, dans ton cas, ce sont des sens désastraux. Je me console en me disant qu'il vaut mieux penser que dépenser. Oui, mais je dépense beaucoup d'énergie en pensant. Quand on parle, c'est parce qu'on est malade. Oups. Non, mais quand on a des patients, quand on parle, c'est... Ah oui? C'est une blessure. Et quand on parle, c'est malade. OK. Penses-tu beaucoup? Je pense vite, toi, là. C'est bon médecin, moi. C'est bon médecin. Donc, il y a la pensée qui est un sens vital? Non, pas non. Vital, là. Dans les sens astraux, au niveau de l'astral, il y a la pensée qui est un sens. Troisième œil, il rentre dans quoi? Dans la tête. En plein milieu du front. Dans les sens vitaux ou dans les sens astraux? Le troisième œil, c'est un sens vital. On met troisième œil. Est-ce que tous les chakras rentrent dans cette catégorie-là? C'est tous des sens? Les chakras, c'est tous des sens vitaux qui vont être développés là. C'est-à-dire que le chakra, c'est une mécanique énergétique au niveau du plan astral, du plan vital, puis ça peut engendrer ton ouverture de sens astraux. Ou encore, quand tu développes des sens astraux, ça peut faire en sorte que tes carrefours d'énergie, les chakras, vont aussi bouger différemment. Mais c'est la perception de la vibration des chakras qui est un sens, c'est pas le chakra lui-même? C'est ce qui va arriver. Un chakra, qu'est-ce que c'est? C'est un terme, c'est un mot, c'est une chose. C'est un carrefour d'énergie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de méridiens d'énergie qui circulent au niveau de l'être humain. Et dans certaines régions du corps, dans 60 et quelques régions, 7 en principales, il y a beaucoup de croisements au niveau des méridiens. Puis l'énergie vitale circule par pulsation. Alors, à un moment donné, l'énergie vitale circule dans un sens particulier. Alors, on a une pulsation, une pulsation, une pulsation, une pulsation. Ça veut dire qu'on voit. Quelqu'un qui a la capacité de voir le corps astral. Donc, le corps astral, c'est de l'énergie vitale qui est rayonnée. Quelqu'un qui a le troisième œil, qui est un plan vital développé, il va voir le corps astral et le corps vital. Et il va voir les chakras. Il va voir des espèces de fleurs. Et à cause du rayonnement, donc des pulsations d'énergie, il y aura l'impression stroboscopique que le chakra tourne dans un sens. Quand l'être humain est centré d'une façon différente au niveau de ses énergies, l'énergie vitale circule différemment, circule dans l'autre sens. Circulant dans l'autre sens, le voyant aura l'impression que le carrefour, le chakra, la fleur, le truc, etc., tourne dans l'autre sens. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'animal humain évolue énergétiquement du sol vers la terre. Donc, depuis qu'il est sur la planète Terre, c'est tellurique vers le contexte, cérébral. L'être humain, celui qui a commencé une conscientisation, donc un contact avec l'intelligence supramentale, c'est-à-dire avec son esprit, et qui, lui, est en conscientisation, il procède énergétiquement du haut vers le bas. Et les carrefours d'énergie, les chakras, le cycle énergétique fonctionne à l'inverse, ce qui, spirituellement, pour le voyant, donne l'impression qu'il peut évoluer. Troisième œil au niveau vital, carrefour d'énergie, chakra, c'est ce que c'est. D'autant. Le Cumberlandisme, c'est pas un sens. Cumberlandisme, c'est magasiné dans une pharmacie. Cumberlandisme, c'est aller à la pharmacie pour penser. Il y a le Jean Coutuisme aussi. Le Cumberlandisme. Le Jean Coutuisme, c'est comme le Cumberlandisme. Mais en français. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est c'est quoi du cumberlandisme? C'est ce qu'on a fait en fait avec la carte de service, c'est-à-dire En touchant une chose au contact physique, on connaît l'histoire de... Ça, c'est la métagnomie. Ça, c'est la métagnomie. Le néerlandisme, c'est un sens astral qui, nécessairement, va se servir du corps vital. Cumberlandiste, trouver ce qui est caché. Le pendule, avec l'aide d'un pendule. La radiesthésie, c'est du cumberlandiste, puis il y a un paquet de trucs du genre. La radiesthésie peut aussi servir au niveau astral, comme les tarots. Donc, pour aller lire. Mais juste une chose intéressante. Quand vous perdez quelque chose ou vous cherchez quelque chose dans vos poches, avez-vous remarqué que c'est préférable d'avoir une seule poche? Comme ça, on serait sûr que c'est là que ça se trouve. Très souvent, les gens vont trouver ça dans la dernière poche. Alors moi, je me disais quand j'étais jeune, pourquoi je ne commence pas par la dernière? Mais chaque fois que je commençais par la dernière, elle n'était pas là. C'était dans la première? Oui, c'était dans la première. Alors, je me suis rendu compte que je savais astralement où était ma clé ou l'objet que je cherchais, dans quelle pièce, dans quel tiroir ou dans quel bordel. Sauf que quelque chose chez moi faisait en sorte que je commençais toujours par l'endroit où la chose ne se trouvait pas. Bon. Alors, le cumberlandisme, on arrive à le développer, à un moment donné, on finit par se prendre, par découvrir qu'on commence par fouiller là, puis dans quelle poche, je suis certain que ce n'est pas là. Celle-ci. Alors, je vais aller voir tout de suite dans elle, je suis sûr que ce n'est pas là, et c'est là. Bon. Et souvent, donc, astralement, on connaît ces choses-là, puis quelque chose, quelque part, nous manipule pour nous niaiser, nous faire perdre du temps. Puis on n'y va pas. Ça, c'est le sens de la pensée. Il y a des personnes, on dit, un sens d'orientation. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils prennent une décision dans le déplacement, c'est la bonne. Il y en a d'autres qui se perdent tout le temps. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils prennent une décision dans le déplacement, c'est pas la bonne. Mais c'est pas une question d'hasard. Puis il y a des personnes qui vont dire c'est parce qu'elles se rappellent plus quand ça se perd que quand ça se perd pas, mais c'est équitable. Mais je connais du monde que ce n'est pas équitable. Ils se perdent tout le temps. Bon. Puis moi, je suis chanceux, je me perds toujours là où je vais. Alors même si je ne sais pas où je m'en vais, j'essaye là. Et finalement, quand je me renseigne, bien, c'est toujours à côté. Je me perds toujours où je vais. Je suis pas meilleur. Sauf que j'ai la possibilité de leurrer mon astralité. On va revenir là-dessus au niveau des sens. Cumberlandiste, trouver ce qui est caché. La majorité du monde de cumberlandiste, c'est chercher, tu trouves pas. Bon. C'est un peu comme les tibias. À quoi ça sert les tibias? Dieu a inventé les tibias, pourquoi? Je l'ai cogné sur une bande de table. Tu peux tâcher les meubles la nuit quand tu marches. D'autres sens. La métagnomie. Donc, la métagnomie. La métagnomie, c'est un sens vital. La métagnomie, c'est la capacité de lire la vie à travers la matière. Ça veut dire que je prends quelque chose et je suis capable de détecter sa vibration, puis à un moment donné, ben, je me ramasse dans les annales akashiques, c'est-à-dire dans la mémoire du temps, puis je suis capable de relire l'histoire de l'objet. Métagnomie, c'est un sens vital. D'autres sens. La perception de l'onde de forme, je ne sais pas comment ça s'appelle autrement que ça. OK, la perception de l'onde de forme, c'est vital. Le voyage astral? Ben, ça, c'est astral, ça sort bien. Est-ce que tous les voyages qu'on appelle les voyages astraux sont dans l'astral? Un voyage dans le temps, par exemple, conscient? OK, bonne question. Il y a le plan mental, il y a le plan supramental. Certains voyages astraux, qui sont des voyages désastreux, des cauchemars, la majorité des cauchemars sont un voyage dans le monde astral avec un contact avec le plan supramental. Autrement dit, plusieurs cauchemars sont des voyages séraphiques. Donc, ici, un des sens, c'est la capacité de lire dans les canaux séraphiques. On place ça ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain est en contact avec le temps, avec la réalité, l'instantanéité, la spontanéité, avec le plan supramental. Sauf que même s'il est en contact avec ça, étant donné que les véhicules inférieurs planétaires, donc tout ce qui fait partie du mental en descendant, l'être humain ici, n'est pas capable d'admettre et d'accepter ce qui se vit présentement dans son sommeil, dans le plan supramental, il va le décoder, il va résister, il va tout faire pour le fermer. Et l'information qui, malgré tout, traverse, perturbe tellement son astralité que lui va vivre un cauchemar. Et en fonction de ses interpréteurs psychologiques, il va donner des particularités à son cauchemar. Puis un cauchemar, comme dans le monde astral, ce n'est pas uniquement, juste un petit tour dans le voyage astral, le cauchemar, ce n'est pas de voir quelqu'un qui vous tue. C'est pas ça. Tu peux voir une belle fleur, puis être en panique. Dans l'astral, on voit, on entend, on sent et on perçoit. Normalement, l'être humain voit. Ça, c'est le minimum, le rêve. Souvent, il ne se rappelle pas des couleurs, il n'y a pas de couleurs, c'est du noir et blanc. Bon, il voyage à l'époque du 900, tu sais. Bon. Il y en a d'autres, ils sont plus... Il voyage pas sur le câble, là. Non. Tu sais, quand tu rêves, que tu passes une soirée rapide autour d'un foyer micro-ondes, tu sais, là. Soirée en 5 minutes. C'est tout moderne. Alors, on voit, on peut par la suite entendre des choses, les choses, bon, mais on peut entendre des bruits. Sauf qu'au départ, la majorité des personnes dans le voyage astral n'entendent pas, sont télépathiquement en contact. Mais tu peux entendre des bruits ou des paroles. Après ça, tu peux sentir des odeurs. Mais les gens, souvent, ne sentent pas, ou ils sont pas assez conscients, ils ne sentent pas, ils savent que ça sent telle chose. Mais ils ne sentent pas. Et tu peux aussi percevoir, et c'est là que le cauchemar est plus évident, c'est que dans l'astral, en feuille par feuille, le monde astral, c'est comme un édifice, donc ça a, disons, trois dimensions, ça a une quatrième qui est le temps. Alors, le premier plancher, par exemple, ici, c'est des choses dégueulasses. Deuxième plancher, ça va être des choses épeurantes. Troisième plancher, des choses moralisatrices. Et on continue comme ça, puis on va dire qu'en haut, c'est des choses intéressantes, spirituelles, belles, douces, etc. La personne, elle rentre dans son voyage astral, disons qu'elle se ramasse quelque chose de social. La sociale morale, par exemple. Il y aura la sociale religieuse, etc. Sociale morale. C'est pas trop pire. Et elle rentre là-dedans ici, sauf qu'elle est rendue dans un rêve où, par exemple, elle va voir des gens sur la rue qui se promènent, puis, bon, un chat qui a froid, puis quelqu'un qui donne à manger, puis ça va être correct. Maintenant, elle peut marcher dans l'édifice de son rêve, et en plus, après être rendue à ce niveau-là, elle peut avancer, prendre une pièce, puis dans cette pièce-là, bien là, elle va entendre le chat miauler, elle est plus consciente. Dans une autre pièce, elle vivra d'autres choses, et à un moment donné, elle peut... très bien descendre, rendue dans une pièce où elle sent, elle perçoit, c'est assez vivant, puis subitement, elle descend à vivre le même rêve au niveau dégueulasse, puis là, ce qui va arriver, c'est qu'en plus de voir le chat, elle va percevoir. Elle peut percevoir quoi? Elle peut vivre un voyage astral mélangé. Pourquoi? Parce qu'on peut vivre dans différents plans au niveau de notre pensée. La personne peut voir un chat et percevoir de l'horreur. Là, on aura un cauchemar. Lorsque la personne a un contact supramental, donc par une perception séraphique, ce qui va arriver, c'est qu'elle perçoit tellement ses perceptions au niveau du plan astral qu'elle a la possibilité de voir des choses, de percevoir ailleurs, puis tout devient tellement mélangé, elle peut paniquer. Alors, à un moment donné, une personne va dire, c'est drôle, j'ai rêvé qu'il y avait un immense fantôme qui venait me faire peur. Oh, j'avais pas peur. C'est ça. Dans l'astral, elle ne perçoit pas la peur, donc même si elle voit l'horreur, elle observe. À un autre moment donné, il n'y aura presque rien, puis elle va se réveiller en folie. Là, c'est la perception. C'est sur un autre plan au niveau émotif qu'elle s'est fait ramasser, pas au niveau du visuel. Si on revient ici, au niveau de l'astral, c'est une chose. Donc, les cauchemars, souvent, sont une perturbation majeure au niveau de l'ego, au niveau de la conscience astrale, parce qu'il peut y avoir un contact avec le plan supramental à travers le sommeil. Donc, l'ajusteur de pensée qui vient jaser. Donc, causer. Et pourquoi ça perturbe autant? Pourquoi est-ce que le contact perturbe autant au niveau des... On va revenir, c'est parce que la majorité des personnes ici se refusent totalement, la majorité des gens sur cette planète se refusent totalement à accepter, à part la pensée, l'émotion, les désirs, ils se refusent à accepter la véracité des autres mondes. Mais c'est normal parce que dans la pensée, on les manipule totalement à ne pas y croire. Alors, autant que les gens croient en Dieu, croient au ciel, croient au paradis, croient au nirvana, autant les gens ne veulent pas y aller. Bon, ça, c'est des dissonances cognitives majeures. Bon. Alors, continuons juste avec les autres sens. On a quel autre sens? Télépathie. Télépathie, qui peut être physique, très minime, qui peut être vitale, et qui est souvent astrale, et qui peut être mentale. D'autres sens? L'énergiopathie. L'énergiopathie, ça veut dire une maladie reliée à l'énergie. Surtout dans ce cas-là. Télépathie, c'est pas un bon terme, mais pathie veut dire maladie. Mais toi, tu veux dire l'énergiopathie dans le sens... sympathie, dans le sens de relation et reliance. Communication. Ben, c'est vital. L'énergiopathie, un contact complet, c'est vital et supramental. La télékinésie? La télékinésie, c'est uniquement vital. Télékinésie, psychokinésie, même chose, ça veut dire mouvement d'objets à distance. Autrement qu'avec une baguette. vous m'avez obligé par la pensée. Mais c'est pas la pensée, c'est de l'énergie vitale pour contrôler son interpréteur actionnel. On continue? L'autre temps. Et la téléphatie aussi? Téléphatie, oui. Téléphatie, c'est un petit peu plus chien que télépathie. C'est-à-dire que eux communiquaient avec deux personnes, tu sais ce qu'elle pense, mais elle sait quoi ce que tu penses. Ça, c'est de la téléphatie. Elle sait pas que tu le sais. Puis on peut s'en servir. Quand j'étais jeune, on s'amusait, moi puis un de mes amis, mais écoutez, à la main qu'on développe ça, c'est qu'on faisait tomber du monde, on faisait faire des choses au monde, ça arrive, tu sais, tout ça, là. Puis la personne s'en allait, l'écoute traversait la rue. La marchait un peu, traversait la rue. Là, on se battait, savoir quel bord qu'elle était de marcher tous les deux. En tout cas, c'est le fun. Il y a les régressions dans les mémoires, ça peut se rentrer là-dedans. Voyage astro, mais plus réveillé. Oh, on va parler de ces sens-là. Il y en a d'autres sens, qu'on parlait de ceux-là. On a un sens intéressant au niveau du plan vital qui va être celui de être capable de lire les maladies. Maladies au niveau du physique. Les rebouteux, les rebouteuses, ils font les radiographies de leurs yeux, là. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais ils le font bien. Comme ça, après ça, quand il faut qu'ils expliquent, mais là, ils expliquent avec des théories qui ne tiennent pas debout. Puis là, ils se font passer pour du monde, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'originalement, ils savaient ce qu'ils faisaient. Oui, parce que l'humain doit rationaliser toujours. Je dis souvent, pourquoi tu as fait ça? Je ne sais pas. Pas une raison? Ben, c'est ça. Mais l'humain va dire, ah ben j'ai eu l'intuition du phénomène que peut-être que la main de Dieu m'a guidé vers le... Puis là, on pense que c'est un ahurie, mais fondamentalement, la personne, c'est bon, c'est bon. L'important, bon, les sens ici, ça sert à quoi? Ce qu'il faut que l'humain comprenne. Physiquement, imaginez-vous sans vos yeux. Il y en a qui sont aveugles, c'est pas un cadeau. Ils se débrouillent. Mais ils se débrouillent pourquoi? Parce qu'ils croient à la vue. Chant. Donc, les aveugles croyant à la vue peuvent se faire instruire par les voyants de ce que c'est le monde. Alors, on va dire à un aveugle, regarde, c'est une nouvelle pièce, là, ben regarde, veux-tu que je te guide? L'aveugle dit, OK. Et on le guide. L'aveugle, il vient. Fais confiance. Jusqu'à temps. C'est quoi? Fais confiance. L'aveugle fait confiance au chien parce que le chien a des yeux. L'aveugle croit à la vue. Imaginez l'aveugle qui ne croit pas à la vue. Ben, ça serait comme les sceptiques, finalement. Ben, c'est ça. C'est ça. Alors, parce que nous, ici, on a des sens, ça fonctionne dans le contexte matériel. Pourquoi on n'arrive pas à comprendre et à expliquer et à se sortir du marasme actuel que l'humain connaît depuis que l'humain est là? Hein, les Romains, les Japonais, les Égyptiens, les Mongols avaient les mêmes problèmes. Parce qu'on a un paquet d'autres sens, et ces sens-là, l'humain ne veut pas les accepter. Alors, ou bien l'humain les spiritualise, les divinise, c'est-à-dire que l'humain va dire... On doit avoir des dons, j'ai des pouvoirs. Ça, c'est une oration très égoïque. Un pouvoir, ça veut dire contrôler autrui, j'ai du pouvoir. Pas de la puissance. La puissance, c'est quand l'intelligence est là. Alors, les gens vont appeler ça des pouvoirs surnaturels. C'est pas des pouvoirs, des dons. Dieu n'a rien donné de plus que d'autres choses. C'est là. Il y en a un qui chante, puis il y en a un qui voit à travers les murs, puis les deux peuvent s'associer, en tout cas. Il y en a un qui chante, ça peut aux animaux, puis l'autre, ben, il voit à travers les murs, fait qu'il sait ce qui s'en vient. C'est toi qui chante. Maintenant que c'est moi qui chanterai, ouais. Non, mais lui, il est bon. J'ai voulu s'associer pour remplir les salles de conférence. Il allait dans la rue, il chantait, le monde, il se poussait tout en dedans. C'est pour ça que je donne une conférence. Bon. Oui, c'est qu'il chante dehors. OK. Alors, ce qui est important de comprendre, donc, c'est qu'il y a énormément de sens. L'humain accepte la pensée. L'humain accepte une chance. L'humain accepte la pensée au niveau astral. Dans la pensée, on peut la diviser, il y a l'imagination, il y a l'idée, une idée. C'est un sens, une idée. Ouais. Ah, est-ce que tu l'as là, puis donne-moi l'idée. Donne-moi l'idée. On va dire. D'aller manger au restaurant. Ben là, tu me donnes une idée. Bon, mais voyez-vous ce que c'est? Quand une personne a des bonnes idées, si tu es, non, pour elle. T'en as des bonnes idées. Puis il y en a ici qui en ont des bonnes idées. Il y en a d'autres qui ont des mauvaises idées. Mais, t'es un génie, toi, là? Demande-moi une idée de génie tout de suite, là. Ben, Faudrait que j'y pense. Non, mais c'est vrai, les sceptiques font ça. Ah oui? C'est ça qu'ils vont faire. Ils vont dire, ben là, c'est pas valide, parce que la personne ne donne pas une bonne idée. Et c'est ça, exactement. Et c'est un génie. T'es un génie, demande-moi une bonne idée. Il n'a pas un génie. Écoute, il n'est pas dans un état, là, de donner une bonne idée. Mais c'est quand il s'en va aux toilettes. S'assoit sur le vol du penseur, puis subitement, il y a une idée. Bon. C'est important de comprendre que l'humain croit à ces choses-là ici, mais que l'humain ne les contrôle pas. Il y a des personnes qui sont écrivains ou écrivaines, puis à un moment donné, ils attendent l'inspiration. Est-ce que c'est des génies? Celui qui a écrit, par exemple, Sherlock Holmes. Bon, il y en a écrit plein, c'est un génie. Agatha Christie, c'est une génie. Elle avait de l'inspiration des jours, l'autre jour, elle n'en avait pas. Puis, il y a du monde qui n'en a pas pour écrire. Il y a du monde qui en a. Steven Spielberg, est-ce que c'est un génie? On dit oui. Mais quand il n'est pas le temps, là, il n'a pas d'inspiration, n'en désignant pas, il n'y en aura pas. Il est comme vous autres. Lui, il a la capacité d'aller chercher de l'information quelque part où la majorité des humains n'ont pas accès. Amadeus Mozart, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait, il entendait. Donc, il assistait à un concert, probablement un concert d'un orchestre, comme par exemple l'Orchestre symphonique de Montréal, en 1986, jouant du Mozart à Montréal. Alors lui, il assistait à ça, il était là avec sa feuille, il écrivait tout. Je l'entends! C'est sûr, on joue du Mozart! Il écrivait tout. Il avait cérébralement la capacité d'aller voir, mais pas avec les yeux, pas avec ses oreilles. Il voyait les notes. Évidemment, les gens ont dit c'est un fou ou ont dit c'est un génie. Puis lui, comme la majorité des humains, n'étant pas capable de supporter sa différence, ben, mais est-ce que la majorité des humains les ont, ces sens-là, ou est-ce que c'est seulement une minorité? Non, la majorité des humains ont ces sens-là, sauf que la majorité des humains ne les écoute pas. Mais disons, ne fait pas attention. Mais parce que tu rentres quelque part, là, puis ça pue. Mais il y a du monde qui vit là, puis là, ils sont tous là, puis ils ont, ils chantent en guerre, problème. Et est-ce qu'ils ont un nez? Mais c'est ça que je me demande. Oui, ils ont un nez. Sors-les, air-les, fais rentrer. Ça va? Ils ne font pas attention à ce que le leur amène. Et c'est ce qui arrive. Il y a du monde qui ont des idées géniales, ne faisant pas confiance à leur idée. Il y a du monde qui ont des idées, ils laissent tomber. Du monde qui ont des idées, ils laissent tomber. Comme par rituel. Et par sa sexualité. Bon, hein? Ça, c'est apparemment sexuel, j'ai dit. D'où c'est parti, ça, de ne pas s'écouter autant? Parce que la vue, on fait confiance à la vue? Oui, il y en a qui voient des routes, et qui sont pas sûrs qu'ils l'ont vu. Il y en a qui voient des fantômes dans leur chambre, qui sont pas sûrs qu'ils l'ont vu. Fait confiance à la mais vue. Comme, non, mais les sceptiques, là, ils vont dire, ça, c'est une chaise, ils t'abstinent pas la chaise. Quand tu vois un truc volant, les sceptiques, ils disent, un instant, c'est peut-être pas ça. Et tu vois bien, on voit bien, mais ça peut être une illusion d'optique. Ça peut être une hallucination collective. Crois-tu à la télépathie? Non. Mais comment ça peut être une hallucination collective? Oh, tu sais, la vue. Non, mais il y a quelque chose quand même, pour que ce soit tranché comme ça, il s'est passé quelque chose. Il se passe simplement que tous les sens sont ouverts. Les animaux ont des sens particuliers. Hein? Les animaux, ils savent des choses. Ils ne comprennent pas les choses, pas comme l'être humain, ils perçoivent d'une façon différente, parce que la pensée, c'est un centre extrêmement développé chez l'humain, et parce que par la pensée arrive la manipulation du monde astral. Je ne peux pas résumer ça en conférence, on en parle tous en séminaire, ce que c'est que ce phénomène-là ici, puis qu'est-ce qui contrôle quoi. Parce que les manipulations astrales sont surtout communiquées par la pensée, et que par la manipulation astrale, on fait tout pour fermer l'être humain à la réalité. Donc la pensée, c'est le sens espion. C'est le gros problème. C'est le virus. C'est pas la pensée qui les embrouille tous les autres sens. C'est ça. Parce qu'on va dire, je savais que c'était pas bon, mais après ça, je me suis dit, ou j'ai juste pensé. Je te donner un exemple. Avec l'œil, vous voyez un arbre. L'œil amène l'information par le nerf optique jusqu'au cerveau. Ça passe par une région qui s'appelle le thalamus. Le thalamus, c'est le siège de lecture du monde astral. Il s'exprime par l'hypothalamus surtout. Et ce qui arrive, c'est que la vision de l'arbre, passant par le thalamus, est colorée par l'astral, par l'âme, donc par la pensée. Et quand ça arrive au cortex cérébral, où ça va être analysé par le mental, qu'est-ce que vous avez vu? Un arbre qui est laid. C'est que l'œil voit. L'œil regarde, là, il dit, « Tu vis ça? » L'autre à côté, « Ben oui! » Mais c'est ça. L'œil est correct. La pensée. Alors imagine quand tu perçois télépathiquement ce que la pensée peut te faire croire que tu as perçu. Tout est rationalisation. Ici, dans la pensée, la manipulation fait tout pour que l'humain soit un bon humain. Tu veux appeler Pierre. Tu décroches un téléphone pour signaler. c'est Pierre qui était au bout. Il t'a juste téléphoné avant, là, puis ça n'a même pas sonné. Là, tu pitonnes dans les oreilles. Pierre connaît son pitonnage, puis il dit, c'est moi. Puis là, tu comprends pas. Puis il se raccroche. Ben, ça dépend. Là. Je me rendais pas jusqu'au raccrocheur. J'ai jamais été un grand raccrocheur. Bon. Mais le centre, la constante en tout ça, c'est que tout ça, ça se passe dans le cerveau. C'est le cerveau qui... Non, de c'est faux. La pensée, la majorité de la gestion de la pensée se passe au niveau du cerveau. Une partie au niveau du centre coronal, du centre coronarien, mais au niveau du cerveau. Il y a un paquet d'autres sens qui se passent un peu ailleurs. Juste ce qui est important de comprendre, pour venir un petit peu là-dessus après. Le troisième œil, qu'est-ce que c'est? Le troisième œil, c'est la capacité de voir l'énergie vitale. Et quand on parle de voir, c'est qu'on parle donc du troisième œil parce qu'on parle de voir. C'est le cerveau qui va voir. Mais le cerveau, il peut voir dans plusieurs fréquences. Un peu comme si je prends ce crayon, donc une tige de métal. Tu la vois. Bon, je commence à la faire vibrer. Hein? Tu la vois toujours. Là, ici, c'est un crayon qui est mou, ça, ici. Je ne sais pas si tu peux voir. Non, mais tu sais, on fait confiance aux yeux, là. Mais entre vous et moi, en tout cas, bon. Alors, tu vois donc mon crayon? Hey, c'est vrai qu'il y a de la moue. Il n'y a pas de la moue, il est mou. Bon. Allez-vous acheter ça. Je vais envoyer un crayon pour... faire des trous dans... Mais ce qui est important, c'est que c'est une tige. Je la fais vibrer. À un moment donné, il va non pas voir ma tige de métal, mais si je la fais vibrer suffisamment, tu vas entendre ma tige de métal. Ça va commencer à faire un son, comme un métronome. Mais pas un métronome, mais comme un diapason. Ça va faire un son. Une vibration. Et là, il entend ce qu'il voit. Mais si je continue à faire vibrer, le son va monter, monter, monter, monter. Et à un moment donné, il n'entendra plus le son. Et si je continue à faire vibrer très, très vite, il va commencer à voir le son. Parce que là, ma tige de métal va commencer à chauffer. Elle va commencer à devenir rouge. Et de l'infrarouge. Maintenant, il n'entend plus. Et c'est la même mot de vibration. Et si je continue à faire chauffer, ça va devenir blanc. Lentement, progressivement, on va s'en aller. Mais c'est la même vibration. Sauf qu'il lui aura besoin de plus qu'un sens. Il se devient extrêmement chaud. S'il touche, le tactile est maintenant capable de voir ce que la lumière fait, mais il n'entend plus. C'est différents sens pour capter différentes expressions d'un même phénomène. Ce qui arrive présentement avec nos affaires et nous autres. Le son, c'est comme la lumière, c'est une vibration très lente. Très lente. C'est pas vite le son, c'est à peine 1200 km à l'heure. La lumière, c'est un peu plus vite. C'est 299 792,4, 5 et 6 km à la seconde. Bon, c'est un peu plus vite. Bon. On a différents sens. Ici, on a aussi des expressions dans le monde qui sont plus rapides que la lumière, qui sont plus vibrants, qui sont totalement différents, et on est équipé pour les percevoir. La problématique, c'est que, puis ça, je vous dis encore une fois, imaginez le monde sans vos yeux, sans vos oreilles. Vous allez avoir une vision philosophique du monde qui ne cadre absolument pas avec la réalité. Pas Dieu, là, jamais entendu parler de couleur, de distance, de forme. Puis là, on vous demande, à quoi ressemble ton monde? Ah, le monde, c'est une espèce de... Mais tout ce que vous allez me conter n'a rien à voir avec la réalité. Puis si je lui donne des yeux, là, c'est la mutation, c'est le choc total, c'est l'ouverture de conscience, puis là, on capote, on invente les paupières. Bon. Non, c'est préférable. Alors, au niveau des autres sens, c'est la même chose. Le troisième œil... Le cerveau a la capacité de percevoir une autre forme d'expression de la vie, qui est le corps astral, qui est l'énergie vitale. Donc, avec ce qu'on appelle le troisième œil, mais qui est une partie du cerveau, on a la capacité de voir l'onde lumineuse qui entoure les corps. Avec une capacité plus à l'écoute, c'est-à-dire qu'on perçoit plus, on a la capacité de voir non seulement l'onde, mais différentes couleurs en fonction de ce qui est exprimé énergétiquement par la vie de l'humain, la vie psychologique, donc émotive. Tu penses ceci, tu penses cela, tu as une maladie à telle place, tu penses ça, bon. Sauf qu'on voit le corps astral des autres à travers notre corps astral de nous autres. Donc les couleurs sont souvent fausses dans ce qu'on voit parce qu'on mélange notre intérêt avec les nôtres. Télépathie, c'est la capacité que notre cerveau entre en résonance avec ce qui est émis. Chaque fois qu'un être humain réfléchit, l'électrocéphalogramme a la capacité de capter des ondes électriques. Mais il y a bien plus d'ondes que ça.